Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et pour ce deuxième segment d'émission, nous recevons Dominique Boudreau, le coordonnateur scientifique du Centre de démonstration en sciences physiques situé au Cégep Garneau. Dominique, pour son travail, raconte la science et met en scène les phénomènes physiques. Alors aujourd'hui, il nous raconte l'électricité. Bonjour Dominique. Bonjour François, ça va bien? Oui, ça va bien toi-même. Alors bien, je te laisse commencer. Ouais, ben écoute, je voulais parler d'électricité parce que en fait aujourd'hui, l'électricité elle est partout et on semble l'oublier. Ouais, sans électricité, il commence à faire froid un peu, sans électricité, on serait un peu mal pris quand même. Donc, ben, commençons par le début. Vous avez sûrement déjà remarqué, en fait, François, tu as sûrement déjà remarqué, mais les auditeurs à la maison aussi, que lorsqu'on frotte un ballon sur nos cheveux, oui, ça attire nos cheveux, oui. Puis on peut le coller. Oui, hein, ça, sur le mur. Voilà, donc tout le monde, ou à peu près, a fait déjà ça. Fait l'expérience exact. De ça. Exact. Ben, les Grecs, dans l'Antiquité, il y a 2000 ans et plus, ont aussi observé cela. Évidemment, pas avec des ballons. Les ballons n'existaient pas à cette époque-là. Mais ils le faisaient, en fait, ils ont remarqué ça avec l'ambre jaune. Ah. On fait encore des bijoux aujourd'hui avec l'ambre jaune. On le faisait aussi à l'époque. C'est cette espèce de petit, c'est de la résine fossilisée dans laquelle il y a comme c'est parfois des insectes, comme dans le film Jurassic Park. Ils avaient extrait le truc et fabriqué des dinosaures. Et donc, l'ambre jaune, en grec ancien, ça se dit « électron ». Ah, et donc, électricité nous vient de ce mot grec « électron » qui veut dire « ambre jaune ». Donc, en fait, on parlait de frotter les ballons et frotter donc l'ambre jaune. Les premières machines électriques dans l'histoire, en fait, sont justement des machines à frottement. Mm-hmm. Et donc, faut attendre les années quand même 1600 avant que les gens fabriquent ce genre de machines et les utilisent pour étudier un peu l'électricité, le phénomène électrique. On pense à quoi? Un générateur de Van der Graaff? Déjà, ça, c'est beaucoup plus évolué, mais bon, ça découle de là un peu. C'était des machines très simples. En fait, il y avait une manivelle. Otto von Guericke, un des premiers qui a fait ce genre de machine-là, avait fait une boule de soufre. Une boule de soufre. Et donc, on faisait tourner la manivelle, la boule de soufre tournait, on mettait nos mains dessus et ça créait de l'électricité statique. Ah bon? OK. Voilà. Donc, ce genre de machine donc, était utilisé pour, ben, je disais pour l'étude, mais au départ, c'était surtout par curiosité. On en faisait des shows, des spectacles. Ben oui. Voilà. Et donc, dans l'histoire de l'électricité, il y a un personnage très connu que tout le monde a sûrement vu dans les livres d'histoire ou tout ça, ou sur, sur le $100 américain aussi, Benjamin Franklin. Oui. Qui est très connu. Mais il y a un personnage moins bien connu de la France, qui s'appelle l'abbé Nollet, qui a été aussi assez important dans cette histoire-là de l'électricité. Ah bon? Vous en parlez de l'abbé Nollet? Je voulais vous parler un peu de cet abbé Nollet parce qu'en fait, il y a eu un peu un débat d'idées entre l'abbé Nollet et Benjamin Franklin, justement, parce qu'ils ont vécu dans la même période. Et donc voilà. Donc l'abbé Nollet, qui est-il? Ben, c'est un Français, c'est un fils de paysan d'abord. Il était destiné à aller au champ. Par contre, assez vite, sa mère et ses précepteurs ont vu qu'il y avait du potentiel. Et donc, comme il n'y avait pas vraiment de moyens, la seule façon de pouvoir étudier, c'était d'aller chez les prêtres, donc de devenir prêtre. Okay. D'où son nom de l'abbé Nollet. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, on a 1700, l'espérance de vie, c'est 40 ans. Hein? Ouais. À 11 ans, t'es dans les champs. À 18-20 ans, t'as déjà une famille. À 30 ans, tu commences à être vieux. Puis à 40 ans, t'es mort. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Mais dans son cas, ben, il a vécu jusqu'à 70 ans et il a fait beaucoup pour la science, la physique, entre autres, en France. D'ailleurs, il va donc être sous le patronage de grands physiciens, dont Réaumur, entre autres, qui s'intéressait beaucoup à l'électricité. Et il va avoir une théorie de Nollet sur l'électricité. Mais d'abord, revenons à l'idée du ballon. Hein? Donc, les gens, quand on se frotte le ballon sur les cheveux, puis qu'on le retire un peu, on voit bien que nos cheveux sont attirés par le ballon. Vous avez déjà remarqué ça? Oui. Comment vous expliqueriez ça sans savoir ce que c'est que l'électricité? Y a-t-il d'autres moments où les cheveux lèvent comme ça dans les airs? Non. Non? Quand ils vendent dehors. Oui, c'est vrai. Hein? Mais moi, j'ai un cheveu tellement raide que. Ah, c'est vrai, toi, tes cheveux, ils montent pas bien. Non, c'est ça. Faut que je pense aux autres, là. Mais quand on a les cheveux longs puis qu'il y a du vent, les cheveux nous montent sur la tête. Ouais. C'est vrai. Donc, en fait, Nollet avait cette idée que l'électricité, c'était un vent. C'était sa théorie. Ah bon? Donc, l'électricité, on l'expliquait comme un vent électrique. Puis en fait, c'était facile à voir parce que quand on frotte des objets, ils sont comme attirés. Hein, par la balloune, des petits bouts de papier, tout ça. C'est ce qu'on avait remarqué chez les Grecs. Donc, un peu comme s'il y avait un vent. Puis même, peut-être que vous avez déjà fait cette expérience-là. Si on prend une balloune comme ça, qu'on a frotté sur nos cheveux, puis qu'on l'approche d'un petit filet d'eau dans l'évier, le filet d'eau est dévié. Oui, j'ai déjà fait ça, effectivement. À dégoûter un peu partout. Et ça, je sais pas pourquoi, ouais. Ben, comme si on soufflait sur le jet d'eau en particulier. Donc, on a pensé, à l'époque, c'est la théorie de l'abbé Nollet, qu'il y avait un vent électrique. Okay. Mais il y a plusieurs démonstrations aussi, c'est ce qu'on fait au centre de démonstration, qu'on pourrait faire pour vous démontrer, ou pour sembler démontrer qu'effectivement, il existe un vent électrique. Donc, c'est l'idée de Nollet, Et Nollet, donc, il amène en France un goût pour la physique. Parce que Nollet, c'est un démonstrateur. C'est un grand orateur. Il fait des démonstrations. On prend un large public. Puis évidemment, ça fait des bons spectacles d'électricité. Parce qu'on prend des gens, des femmes souvent, qui ont des grandes robes à crinoline avec plein de jupons en soie, tout ça. On les embarque sur des blocs de cire. Puis là, on les électrifie avec les machines électriques. Et donc là ça devient comme on voit dans les musées de sciences avec les cheveux qui s'en vont dans les airs. Ben là, eux autres, c'est leur robe qui ouvre tout ça. Puis si on a le malheur de lâcher un peu la machine électrique, ben il y a un gros étincelle, pac, là tout le monde, ben évidemment les femmes qui sont là, ils crient, ah, ça fait mal un peu tout ça, fait que ça donne un bon show. On prend les orphelins dans la rue, on les suspend, on les électrifie, ils attirent des petits bouts de papier, tout ça. Donc ça amuse beaucoup les foules bourgeoises. Et donc sur la base de ce genre de démonstration, Nollet redonne le goût à la physique chez les Français à cette époque-là. Donc il fait plein d'expériences. Évidemment, assez rapidement, on veut mettre l'électricité en bouteille. Parce qu'avoir toujours des grosses machines, puis les déplacer, tout ça, c'est un peu tannant. Donc, les machines deviennent de plus en plus puissantes. Au lieu d'être des boules, c'est des cylindres de verre ou des disques de verre. Et ça devient de plus en plus puissant. Puis, à un moment donné, on trouve la façon de la mettre en bouteille. En fait, il y a des gens qui essayent de faire toutes sortes de choses. Mais on se dit, pour la mettre en bouteille, comme c'est un vent électrique, puis ça peut partir facilement, bien, il faut mettre la bouteille sur un bloc de cire qui est isolant, qui semble empêcher le vent électrique de s'en aller, puis avoir une bouteille très épaisse. Ben, il y a un étudiant, à un moment donné, dans un cours, qui dit... Il revient chez eux le soir, il a entendu parler de la bouteille, tout ça. Son professeur, il a parlé de ça. Il dit, je vais l'essayer, moi, la bouteille, puis charger la bouteille électriquement, tout ça. Fait qu'il arrive chez eux, il n'y a pas de bouteille bien épaisse, il la prend dans sa main au lieu de la mettre sur un bloc de cire. Il charge la bouteille, il touche à l'autre bout de la bouteille, donc il y a comme une boucle de circuit, puis il pogne un choc incroyable. En fait, plus gros que ce qu'il a jamais vu. Il retourne le lendemain voir son prof, il dit, écoute, j'ai touché la bouteille, puis j'en ai eu mal. Son prof dit, voyons, ça se peut pas, là. À chaque fois qu'on fait ça dans une bouteille, ça fait un petit choc électrique, comme quand nous, on se promène, on se frotte les pieds, tout ça, puis on pogne un choc électrique avec la poignée. Bon, c'est un petit choc, pas grand-chose. Donc, son professeur est un peu surpris de ça. Il s'appelle Peter Van Muschenbroek à Leyde. Donc, en fait, la bouteille en question est devenue la bouteille de Leyde, qui est l'ancêtre de nos condensateurs aujourd'hui, qui sont tout à fait, en fait, essentiels dans toute électronique. Et donc, cet ancêtre, la bouteille de Leyde, cet ancêtre du condensateur, bien, en fait, ça va devenir un truc, encore une fois, de foire pour amuser les gens. Donc, cette bouteille de Leyde, en fait, Nollet va l'entendre parler par son patron, qui est Réaumur, parce que Van Muschenbroek, quand il entend parler ça de son étudiant, il dit ça se peut pas, hein, il fait des expériences lui-même. Puis là, lui, il a une grosse machine. Comparé à son étudiant à sa maison, une petite machine, lui, il a une grosse machine. Il craint sa machine, il touche à sa bouteille, il a mangé une bonne décharge. Ce qui fait qu'en fait, il écrit à son ami français, puis il dit écoute, moi, j'ai fait ça une première fois, là, puis plus jamais je vais refaire ça de ma vie. En fait, même si on m'offrait la couronne de France, je ne referais pas cette expérience. Le Réaumur est intégré, c'est intrigué. Nollet, son étudiant, il voit ça, il dit, il faut que je l'essaye. Fait que Nollet commence à essayer ça, puis là, il fait ça sur lui jusqu'à enseigner du nez. Donc, c'était un expérimentateur hors pair, Nollet. Et donc, Nollet va faire ça avec des animaux, des oiseaux, des chats, va zapper des oiseaux, tout ça. Donc, il se rend bien compte qu'il y a un potentiel là, mais il veut l'utiliser surtout pour étudier le vent électrique. Et donc, il va se rendre à la cour impériale, à Versailles, et il va utiliser une centaine de gardes impériaux. Il va les mettre tout ensemble, accrochés par la main, et il va leur dire de toucher, donc fermer la boucle, le cercle de 100 personnes, en touchant à la bouteille en question. Son objectif, c'est de voir ce vent électrique, il se propage à quelle vitesse. Quand on touche à la bouteille de Leyde, on pogne un choc, ben, en général, on crie « Ah! Oh, ça fait un peu mal! » Fait que là, son but, c'est de voir à quelle vitesse va se propager les « toutes les gens qui vont avoir mal. Ben là, il fait ça, les gens s'installent, il donne la bouteille, il craint que sa machine, le garde qui avait à toucher la bouteille en question, touche la bouteille, puis tout ce qu'il entend, c'est « Ah! » En même temps. Tout le monde en même temps. Okay. Donc, il conclut que ça le vent électrique, là, ça se déplace très rapidement. Okay. Donc, c'est le genre d'expérience que Nollet faisait. Donc, toutes sortes d'expériences intéressantes. Pourtant, on n'a pas retenu dans les livres de physique aujourd'hui, il n'est pratiquement pas mentionné. Son nom, n'apparaît pratiquement pas. Et donc, c'est probablement parce que sa théorie du vent électrique, en fait, elle est fausse. Voilà. C'est ça. Benjamin Franklin, on le garde, on le connaît dans les livres parce qu'il a donné le sens qu'on a aujourd'hui à l'électricité. Et donc, si on transfère à Franklin, il n'est pas français, il est des États-Unis. Et il a même été un personnage assez important. Donc, on le voit comme un inventeur, comme un savant. Il a été politologue. Il a participé, ça a été un des pères fondateurs des États-Unis en tant que tel, de la Constitution des États-Unis. Il a été maître de poste. Donc, il recevait en fait beaucoup de livres de l'étranger, de l'Europe, tout ça. Puis, il voyait ça. Ah ouais, ça existe, ça se fait. Moi aussi, je vais essayer ça. Donc, il essayait beaucoup de choses. Et donc, quand il a vu passer les travaux sur l'électricité, il a décidé d'essayer toutes sortes de choses. Et donc, pour Franklin, ben, le vent électrique, ça marchait pas. Fondamentalement, Franklin, c'est quelqu'un qui croyait à la justice, une espèce de justice presque divine, en fait. Si on fait quelque chose de bon ici, ben, on va être rétribué, ou si on fait quelque chose de mal, ben, il va y avoir un équilibre à un moment donné, quelque part d'autre, peut-être dans une autre vie. Et donc, cette idée-là, cette philosophie qui a fait partie de sa vie, a teinté la théorie qu'il y avait sur l'électricité. Et donc, pour lui, quand on frottait une ballonne sur nos cheveux, en fait, la ballonne devenait comme chargée. Hein, à l'époque, il y avait beaucoup de fusils, puis les fusils, beaucoup de batailles, puis les fusils, il fallait les charger, il fallait mettre de la poudre dedans, il fallait les charger avec des plombs, tout ça. Donc, il a utilisé cette terminologie-là. Et donc, chargé, c'était que le ballon en tant que tel, il a comme été chargé, et donc l'autre côté, il a comme été déchargé. Oui. Donc, oui. Il y a cette idée de charge et décharge. OK. Donc, d'une certaine manière, du plus et du moins qu'on a aujourd'hui. Et donc, le sens conventionnel du courant, quand on regarde sur une batterie, il y a un plus puis un moins. C'est ça. On a l'impression que l'électricité sort du plus puis s'en va dans le moins. Contraire. Ça, c'est le sens conventionnel du courant. Okay. Mais en fait, comme on a découvert beaucoup plus tard que les porteurs de charge dans l'électricité, c'est des porteurs de charge négative, bien en fait, l'électricité, pour de vrai, ces électrons, ces porteurs de charge négative, se déplacent dans l'autre sens, du moins vers le plus. Par contre, en fait, ça c'est vrai dans une batterie, dans le cas d'un électron, mais dès qu'il y a dès qu'on est dans une solution où il y a des électrolytes, donc des ions positifs et des ions négatifs, dans ce cas-là, les deux ions, les deux types d'ions voyagent dans des sens contraires. C'est ça. Voilà. Donc, c'est Benjamin Franklin qui est à l'origine de cette idée de charge et de décharge. Et suite à ça, ben, on connaît un peu l'histoire. Il a inventé le paratonnerre, ses expériences avec les cerfs-volants. Les cerfs-volants plaqués. La petite clé, exactement. En fait, c'est là qu'on voit, selon les historiens, en fait, Nollet, deux ans auparavant, en 1749, aurait dit que les éclairs, c'était comme les chocs qu'on prenait avec les machines à électricité statique. Mais c'est une histoire retenue, surtout Benjamin, qui l'a fait en 1751. Okay. Et donc, il a vu justement cette petite éclair qui partait de la clé quand il y avait un cerf-volant dans le ciel et tout ça. Donc, les expériences de Benjamin Franklin vont l'amener à donc, le développement des paratonnerres. Il avait remarqué que si on mettait une pointe métallique proche d'une machine justement qui génère l'électricité statique, en fait, ça se déchargeait. Les pointes semblaient décharger l'électricité statique qu'il y avait dans les objets autour. Uh-huh. Et donc, on a inventé des trucs un peu aberrants comme des parapluies avec une pointe puis une chaîne qui descendait au sol. Hein, on pensait que comme les pointes déchargeaient, on n'aurait jamais la foudre. Faites pas ça à la maison. Mauvaise idée. Vous allez vous ramasser la foudre. En fait, c'est parce que ce qui se produit, oui, ça décharge, mais si jamais il y a à avoir une décharge, c'est là qu'elle va aller. C'est ça. Donc, puis vous allez être le conducteur. Exact. C'est pas une bonne idée, ça. Mauvaise idée. Et donc voilà. Donc, Benjamin Franklin, on l'a retenu. Évidemment, il y a d'autres histoires en lien avec tout ça. On est toujours dans les années 1700. Et donc, il faut attendre plusieurs autres inventions avant d'arriver à l'électricité qu'on connaît aujourd'hui. Je passe rapidement peut-être sur quelques développements, mais entre autres, à un moment donné, donc je vous parlais de la bouteille de Leeds, c'est un peu l'électricité en bouteille. Éventuellement, Alessandro Volta, en 1799, va inventer la pile, suite à un débat qu'on pourra revenir lors d'une autre chronique. Mais donc, invente la pile et on a maintenant de l'électricité qu'on peut vraiment transporter. Mm-hmm. À l'aide de cette pile de Volta, il y a un Danois, Hans Christian Ørsted, qui va faire des tests en fait sur les fils. Quand on chauffe des fils, quand on passe un courant dans les fils, il s'allonge. Donc, c'est la dilatation à cause de la chaleur. Uh-huh. Et donc, en faisant l'étude de ces fils et de l'allongement, qu'est-ce qui se passe? On étudie l'électricité. Là. On est rendu dans les années 1800, début 1800. Donc, on étudie l'électricité en tant que telle pour ses propriétés. Qu'est-ce qu'elle fait aux matériaux? Donc, lui s'intéresse à ça. Et en même temps, souvent, les gens, quand ils s'intéressent à l'électricité, ils s'intéressent un peu à tout. Souvent, quand on est physicien dans ces époques-là, on s'intéresse à beaucoup de choses. Et donc, dans le laboratoire de Ørsted, il y a aussi des boussoles. Et Ørsted se rend compte qu'en passant un courant dans un fil à un moment donné, la boussole qui est juste à côté réagit très, très légèrement. Quand il montre ça à ses étudiants dans sa classe, tout le monde, en fait, il s'attend à quelque chose de grand parce qu'Ørsted, il voit dans ça quelque chose, un potentiel incroyable. Il y a un lien entre l'électricité et le magnétisme, qui étaient deux choses complètement différentes à l'époque. Et donc, quand Ørsted voit ça, il fait « Ah, Il y a quelque chose là, c'est incroyable. Il montre ça à ses étudiants. Ses étudiants voient à peine l'aiguille de la boussole bouger. On a c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi s'emballer autant? Mais en fait, c'était le premier lien entre l'électricité et le magnétisme. C'est ça. Il faut attendre une dizaine d'années plus tard, en 1830, pour que ce soit un autre personnage, Michael Faraday, qui montre en fait que l'inverse est aussi vrai, que le champ magnétique peut affecter l'électricité. Et donc, comme quand on a un champ magnétique qui varie, on peut induire un courant dans un fil électrique. D'où les générateurs électriques aujourd'hui, d'où tous les moteurs, d'où les centrales électriques. On a une turbine qui tourne, qui fait tourner des aimants ou des électroaimants à l'intérieur d'une bobine. Et donc, ce changement de champ magnétique va créer un courant. Ce qu'on utilise à tous les jours, un peu partout. Ce qui fait qu'en fait, je peux vous parler présentement, tout qu'on puisse se parler. Sur nos dynamos de vélo aussi. Exact, tout à fait. Ouais. Donc voilà pour la petite histoire rapide, évidemment, de l'électricité. Mais une chose que je voulais mentionner, c'est que toute cette électricité-là, il a fallu qu'elle se rende un peu partout, qu'elle soit, disons, popularisée. Oui. Et donc, l'électrification en tant que telle, ça arrive relativement tard. Entre 1880 et 1930, il y a l'électrification en Europe, aux États-Unis, puis un peu au Québec aussi. Mais ça arrive un peu plus tard au Québec. Et donc, en fait, il faut s'imaginer que si on retourne 100 ans en arrière, en 1916, bien, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a de l'électricité. C'est vrai. Donc, puis c'est encore moins vrai dans les parties rurales. C'est ça. Et donc, dans les parties rurales, il faut attendre parfois jusqu'en 1950, sinon plus, avant que l'électricité soit là de façon relativement courante. Quel jeu de mots. Je terminerai en fait ma chronique en disant qu'aujourd'hui, bien, l'électricité ou l'électromagnétisme, étant donné qu'on a jumelé les deux maintenant, l'électricité et le magnétisme, eh bien, l'électromagnétisme, c'est une des quatre forces fondamentales pour les physiciens, avec deux autres forces qui sont la force nucléaire faible et forte, qui nous concerne un peu moins, on concerne surtout la radioactivité, des trucs comme ça, et la gravité, qui nous concerne quand même. Ouais. Mais sinon, tous les phénomènes, ou presque, dont on est témoin ou dont on fait l'expérience dans notre vie quotidienne, c'est dû à cet électromagnétisme. La lumière vient de ce jeu des électrons autour des noyaux dans les atomes. Le changement d'énergie des électrons, ça fait la lumière, c'est de l'électromagnétisme. Le fait qu'on passe pas à travers les objets, c'est de l'électromagnétisme. Le fait que les matériaux sont transparents, c'est de l'électromagnétisme. En fait, l'électromagnétisme, c'est pas mal partout. Partout. Ouais, exact. Mais merci. Est-ce que tu voulais encore continuer un peu? Non, ça va. J'ai fait le tour un peu là. Donc si vous vous sentez électrifié. Oui. Merci pour cette chronique électrifiante. C'est vraiment le mot. Et on va certainement se revoir pour avoir la suite là. Ouais, ben je pourrais revenir pour vous parler de Alessandro Volta et Luigi Galvani, ce débat entre l'électricité animale et l'électricité métallique. Alors on va faire une courte pause musicale et on revient après avec Valérie. Merci beaucoup. Merci.